Sont-ils des geeks? Sont-ils fanboys? Sont-ils des otaku? Bienvenue dans l'émission Les Potes Calés. Animé par Teddy et Fanny. Sonani, Sobieru, Kurogane no Shiro, Super Roboto, Majinga Z, Muteki no Chikara wa Bokura no Tame ni, Seigi no Kokoro, Pile da. Est sorti au cinéma ce mercredi 22 novembre 2017 le film Mazinger Z Infinity, donc un film de Go Nagai qui est très connu pour avoir fait les donc Mazinger Z, Great Mazinger et surtout Goldorak. Très populaire en France et en Europe, moins populaire au Japon, contrairement à Mazinger Z et Great Mazinger. Petit aparté sur Go Nagai de mon ami Fabien. Ouais, Go Nagai, bah, c'est le créateur de Goldorak, mais il est aussi créateur de. Plus ou moins de sagas qui sont plus ou moins connus en France. Je pense à Devilman, donc il y a une version live, tu m'avais dit aussi. Et il y a Cutie Oni, donc c'est une espèce d'héroïne qui se déploie dans ses super pouvoirs. Ça faisait penser un petit peu à Gigi, je sais plus si tu te souviens de cette série. Mais il y avait aussi Violent Jack, qui est justement une espèce de précurseur à Ken le Survivant, par son côté un petit peu apocalyptique. Et le côté un peu baston violente. Mais Go Nagai, dans l'ensemble, c'est vrai que c'est l'arrivée massive de Goldorak. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est Goldorak qui a triomphé en Europe. Alors qu'au Japon, c'était plutôt les deux Mazinger qui ont eu le plus d'influence. Et c'est pour ça qu'il y a un film qui a été produit, contrairement à Grandizer en VO. Mais c'était une petite parenthèse que je voulais ajouter, quoi. Donc je te rejoins là-dessus, donc c'est vrai que Goldorak a eu un succès phénoménal, de sortie de Goldorak au Japon, donc 1976. Donc juste avant lui, il y a eu le Great Mazinger, donc toujours de Go Nagai, en 1974, et donc encore avant le Great Mazinger, donc le Mazinger Z, en 1972. Et c'est vrai que Mazinger Z et Great Mazinger ont eu un succès au Japon qui était incommensurablement beaucoup plus développé que celui de Goldorak en Europe, mis à part en Italie, qui sont restés des grands fans de Mazinger et Mazinger Z. Il y a eu aussi deux OAV concernant Goldorak, hein, donc Goldorak contre Mazinger, où là on a pu voir tous les Mazinger, donc le Great Mazinger, le Mazinger Z et Goldorak coopérer pour battre les forces de Vega. Et il y a aussi eu Goldorak... L'attaque du Dragonosaure. Ouais, si tu veux bien que j'en parle un petit peu. L'attaque du Dragonosaure, en fait c'est une alliance des mechas de Go Nagai. Donc on retrouvait Goldorak bien sûr, l'Alcorak. Il y avait aussi Krit Mazinger, il me semble. Il y avait Boss Robot. Et il y avait, je sais plus, là, le robot féminin. Je sais plus son nom, mais... Alors, de robots féminins, il y en avait deux, mais alors, je ne vais pas te dire leur nom non plus. Hein. Ouais, parce que moi, je ne les connais pas trop, mais ils affrontaient une espèce de bestiole qui avait émergé, on va dire, de la pollution. Et une bestiole assez, je veux dire, un peu Lovecraftienne, vu qu'elle était pleine de tentacules et plein de bien sales, je veux dire. Donc oui, voilà, les deux OAV, c'était cela. Et aujourd'hui, donc, on a été voir un film qui part dans la lignée, qui serait donc après les aventures de Mazinger Z, qui aurait lieu quelques années plus tard, mais qui ne prend pas du tout en compte l'univers de Goldorak. Donc là, on va pouvoir commencer sur la critique du film qu'on a vu donc ce jour. Oui, bah critique de Mazinger Z Infinity. Alors ça commence par une scène d'action assez bien menée où on y voit donc Tetsuya Tsurugi, donc le pilote du Great Mazinger, hein, pas du Mazinger Z, en plein combat contre des mecha monsters, donc des mecha monstres, oui c'est ça. Donc un combat dantesque, un robot Mazinger contre plusieurs centaines de robots mecha. Voilà, déjà là il y a un petit souci là-dessus. Donc il se fait déborder pas assez rapidement par rapport à ce qu'on connaît du Mazinger. Et voilà. Donc les méchants arrivent à entrer en contact avec un réacteur dernière génération qui convertit l'énergie propre et durable, donc thème d'actualité. Et puis bon, voilà, après on n'y voit plus Tsetsui porté disparu parce qu'apparemment, voilà, la bataille il l'a pas remporté, quoi. Comme tu disais, on en prend plein les yeux dès le départ. Et ensuite, il y a un écriteau qui dit 6 mois plus tôt, donc on revient un petit peu à Koji Kabuto. Alors Koji Kabuto, pour le situer dans la trilogie Mecha, c'est le futur Alcor de Goldorak en fait. Donc, et pilote Alcor, du Mazinger Z. Exact. Lui, il s'est un petit peu mis en retrait, c'est plus du tout un guerrier. En fait, c'est un savant qui suit un peu des fouilles et il découvre une espèce d'entité qui s'appelle Infinity et une espèce d'androïde qui est connecté justement à Infinity, donc un androïde féminin. Et donc, tout d'un coup, on a toute cette apparition de dimensions parallèles avec le retour du Docteur L. Bon, c'est pas vraiment un spoiler parce que de toute façon, on le voit dans le trailer. Et ces deux sbires qu'on voyait aussi dans la série apparemment. Surtout l'androgyne qui a inspiré plus tard Minos. Mais il y a très belle bataille. Moi, je dois dire que c'est divertissant. Mais il y a beaucoup de ventre mou entre deux. Et moi, j'ai trouvé que dans certaines conversations, notamment avec les personnages féminins, c'est quand même assez mièvre. Et dans l'ensemble, j'ai pas très beaucoup apprécié ce film. Moi, par contre, je suis très fan de manga, donc mon avis sera pas très neutre, donc il sera très parti pris. Donc là, oui, première scène d'action incroyablement rythmée. Voilà, après on arrive à du creux jusqu'à la scène finale qui dure assez longtemps. C'est le rythme en général qu'on a dans les mangas, enfin dans les longs métrages de mangas dans ces niveaux-là. Après, bon, voilà, comme dans tous les mangas, on y voit donc l'aspect futuriste qui a sauvé entre guillemets le monde parce que voilà, on a trouvé une énergie propre et on peut enfin l'exploiter et on peut enfin avoir de l'énergie à volonté. Voilà, pour autant, voilà, le monde ne s'entend pas. Toujours des conflits interhumains malgré cette énergie abondante. Après, le fait que le héros soit en retrait, très très japonais aussi. Hein. Ouais, j'ai accompli ma mission. Moi, j'en ai marre d'être le méchant entre guillemets. Alors, je veux devenir scientifique. Voilà. Le Deus Ex Machina aussi. Comme par hasard, il trouve un robot géant et comme par hasard, la clé. C'est une bombasse blonde, hein, comme d'habitude, sauf que là, elle a les cheveux bleus, comme Bulma. Et ben voilà, elle apprend la vie. Enfin, on sait même pas, parce qu'on n'a pas vraiment de background encore, mais on n'a pas vraiment de background sur cette femme. On sait juste qu'elle est la clé du méca géant qui fait la taille du mont Fuji, quasiment, et que est capable de forces dévastatrices. Je crois que Mazinger arrive à peine à son petit doigt au niveau des proportions. Très très très japonais dans le rythme. Ceux qui sont habitués à regarder des mangas de Miyazaki en retrouveront un rythme qui leur... Le rythme, hein, pas la qualité. Trouveront un rythme qui leur convient. Après, moi, ce film, moi, m'a pas spécialement désintéressé. Les scènes de combat sont dantesques. L'esprit des mangas, dans la latence, moi, c'est tous les mangas que je regarde sont dans le même niveau. Donc, moi, personnellement, ça m'a pas spécialement surpris. Mais c'est vrai que pour un néophyte, ça va être très, très, très dur à suivre. Ouais, t'as tout à fait raison, parce que moi je suis complètement vierge de cet univers. Moi je suis un grand fan de Goldorak surtout, mais le problème c'est qu'on n'a pas eu beaucoup on a quasiment même pas de diffusion de cette série en France. Si on veut avoir des repères, il faut vraiment être dans le mouvement. C'est-à-dire qu'il faut être quasiment un otaku, quoi. C'est ça qu'on dit pour un fan de manga. Et moi j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de problèmes dans ce film, notamment le rapport des forces. Alors là, c'est super flagrant parce que si on voyait les anciennes séries, pour le robot, il se retrouve 1 contre 1, et là, on a un rapport de 1 contre 50, et on a vraiment l'impression que l'adversaire, c'est des vieilles babioles, il suffit juste de leur balancer un boomerang ou un fulgure au poing pour qu'ils volent un morceau. Il y a aussi d'autres problèmes, enfin visuels, je veux dire, les espèces de pin-up qu'on voit en plein milieu, bon, ça c'est un peu ridicule aussi. J'ai bien aimé le petit clin d'œil à Boss Robot, dans la version française c'était Bélier et son Belliorac. On retrouve un petit peu ce côté un petit peu parodique, voire comique. Voilà quoi, il y a quelques caméos, quelques trucs ridicules, mais ça fait pas un film intéressant pour autant, moi, je trouve. Voilà, ça rejoint exactement mon idée. Pour les néophytes, c'est quelque chose qui va vous perdre. Vous n'allez pas pouvoir, si vous n'êtes pas habitué des mangas, vous n'allez pas pouvoir vous imprégner dans ce film. En plus, pour ceux qui ont vu Goldorak, ça va même pas vous aider pour vous imprégner dans le film, du tout. Il faut vraiment avoir vu Mazinger et Gareth Mazinger, parce que sinon, vous allez être perdu dans ce film, vous n'allez pas comprendre déjà qui sont les personnages, parce qu'il n'y a strictement aucune présentation. Alors vous êtes censé les connaître, hein. Voilà, c'est comme une trilogie Star Wars, si vous ne les connaissez pas, tant pis, c'est votre problème. Après, c'est très, voilà, je vais me répéter, c'est très japonais. On a le passage action, le passage fanservice avec les bimbos à moitié à poil, voilà, faut dire ce qu'il faut, parce que Fin de service, comme tu dis, ouais. même les robots tirent des missiles avec leurs nichons, donc là allez-y, hein, fanservice, vous êtes à fond. Après, voilà, on a même un Mazinger Z qui balance des missiles avec sa bite, hein, faut dire ce qu'il faut, donc voilà. Ça peut, personnellement, là, on appelle ça du fanservice, mais ça va choquer les non-avertis. Hein. Si vous n'êtes pas au courant que les Japonais sont forts pour le what the fuck dans les certaines scènes de Ouais, puis baston, surtout ils sont forts pour les mini-jupes, hein, ah, les mini-jupes et les what the fuck, gros. là, c'est japonais. Là, il y en a dans ce manga. Et par contre, moi, ce qui m'a énormément choqué dans ce manga, où je me suis fait plusieurs palm face, c'est les placements de produits. Alors, si vous n'avez pas compris que ce film est produit à la fois par Warner Bros. Et Nissan et les ordinateurs Sony Vaio, je pense que vous avez raté tout le film. Les placements de produits sont très flagrants, très mal faits et très mal présentés. Ah, c'est super, ça manque de subtilité dans le... On dirait Michael Bay, tu sais, dans les Transformers, où il y a plein de pubs partout, c'est exactement pareil, quoi. Et moi, ce que je voulais dire aussi, ouais, non, mais il y a un problème aussi, c'est le discours scientifique, quoi. Moi, j'ai rien compris, quoi. Alors, quand je me suis familiarisé avec le jargon technique de Star Trek, mais là, on part dans les photoniques, les univers parallèles, le plastron, le machin. Enfin, le mec qui se connaît pas du tout, il va voir un manga, mais il va voir un manga pour se divertir. Qu'est-ce qu'il en a à foutre de tous les jargons techniques? Ils auraient quand même plus simplifié, moi, je trouve. C'est vrai que là, on peut dire que ça s'est pas adapté au public européen. Les Japonais sont très friands de jargon technique, même quand ils le connaissent pas. On n'a qu'à regarder des vieux épisodes de Capitaine Flamme, on a du jargon technique, on nous l'explique vite fait et on dit « ta gueule, c'est la science ». C'est vrai que ça simplifie un peu tout. T'as ça, tu le prends, voilà, ça fait partie du scénario. Ben ouais, mais je comprends pas, mais ça on s'en fout, t'as qu'à pas comprendre. C'est un peu comme Albator, si tu me permets, mais il y a un moment, c'était un petit peu obscur comme truc quand il parle de matière noire, quand il dit oh, on va faire ça avec le générateur, la grosse machine qui était le vaisseau vivant en fait, et je passe à travers, comment que tu fais? C'est comme ça, c'est tout quoi. Ouais, ça fait un peu les ta gueule, c'est magique de certains films. Hein. Ouais, c'est ça. Donc c'est vrai que là, c'est franchement. Déjà, moi, ça me choque en tant qu'otaku. Et c'est vrai que là, au niveau du jargon scientifique, alors que j'ai connu Mazinger Z et Gret Mazinger, il n'y a pas de souci, mais moi, il y a un moment, je me disais, attends, je pige plus trop, on parle de quoi? Et puis après, on nous emmène dans un gloubi-boulga global et des mondes parallèles et le monstre géant, c'est Dieu, mais tu choisis si c'est un dieu ou un démon. Voilà, je veux bien que le Japon est un pays qui ancre ses traditions et sa modernité dans le même système, c'est-à-dire qu'on y trouve des temples et des buildings et des trucs haute technologie, des fois même dans le même quartier. Mais là, pour les Européens, je pense personnellement que ça va faire pas un très grand succès, parce que les Européens sont pas habitués à ça, on a des codes qui sont complètement différents. Je sais qu'il faut s'adapter à une culture, mais là c'est techniquement impossible de s'adapter à ce genre de culture pour un néophyte, parce que même si les passionnés à un moment comme moi commencent à lâcher prise, voilà, les néophytes ils sont largués là. Ouais, il y a de quoi être largué. Et puis moi ce qui me gêne le plus, mais là c'est dans tous les mangas, ouais, le rapport de force, hein. Normalement les mechas c'est 1 contre 1 comme disait Fabien, là 1 contre 50 ouais, ça lui pose pas trop de problèmes, hein. Ouais, vas-y. Puis à la fin, il se bat contre donc le robot géant qui fait, je sais pas moi, 300-400 fois sa taille. Puis on se dit, comment il va faire? En fait, c'est simple, hein. Hop, ta gueule, c'est magique, Deus Ex Machina, et paf, Mazinger Z devient ultra géant aussi. C'est vrai que c'est quand même complètement absurde quand tu y penses. Complètement absurde. Ouais. En plus, des fois, ils le savent, qu'est-ce qu'ils font, c'est absurde, parce qu'on repense par exemple au Dragonosaure, à un moment, il se met à voler dans le truc du Dragonosaure, et là, on a les doubleurs français qui disaient à l'époque, ouais. Oh, mais il vole, mais c'est absurde. Là, il nous a manqué ça dans le manga, pour nous dire... Dragonosaure, c'était vraiment mauvais, faut le dire. Voilà, ouais. Mais là, ça me manque un peu dans le manga qu'on vient de voir, parce que c'était Mazinger Z mélangé avec Son Goku. Donnez-moi toute votre énergie, c'est bon, je grandis, et puis voilà, je suis 5 milliards de fois supérieur à toi, je t'envoie dans l'espace, je te pulvérise. Ouais, en fait, on appelle ça un Deus Ex Machina. C'est pas trop à faire. C'est vrai qu'il y a pas mal de trucs convenus dans cette histoire. Quand tu vois le scénario, il est quand même pas très, très élaboré. Bon, comme tu le disais, il y a le Deus Ex Machina. T'as beaucoup de facilité scénaristique. T'as des personnages qui sont caricaturaux. Quand t'as les deux là, avec la tête qui vole et l'espèce d'androgyne. Bon, on est les méchants. T'as le méchant Docteur L qui arrive. Je connaissais pas plus que ça, mais ils sont ultra caricaturaux, quoi. Il n'y a aucune nuance, quoi. C'est un peu lourd. Moi, j'ai trouvé cette séance assez pénible, je te l'avoue. Moi, je peux comprendre que tu as trouvé ça assez pénible. Et c'est vrai que les personnages, aussi bien les méchants que les bons, sont caricaturaux à mort, à mort, à mort. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui échappe aux Occidentaux. Moi, quand je regarde un manga, c'est quelque chose qui ne me choque plus parce que je suis tellement habitué à ça que c'est ancré dans ma rétine, dans ma façon de penser. Mais franchement, si vous êtes néophyte et que vous avez adoré Goldorak, vous allez être perdu. Vous allez être perdu. Comme tu le disais, c'est une suite. C'est vraiment une suite. Y a même pas de rappel des principaux événements. On aurait pu faire une intro, tu sais. Je vais encore parler d'Albator, mais Albator, c'était un reboot. C'est pas pareil. C'était des reboots. Et là, c'est pas un reboot, c'est une suite. Donc, Si la personne connaît pas l'univers de Great Mazinger, même Mazinger Z, eh ben il va être totalement relargué, quoi. Et comme tu disais tout à l'heure, en fait, je répète un peu ce que tu disais. C'est vrai que le spectateur va s'ennuyer sévère, quoi. Oui, le néophyte va s'ennuyer, ça rejoint exactement ça. Je peux pas te contredire là-dessus, parce qu'il y a bien des moments où je me suis ennuyé dans le film aussi, alors que je suis habitué à ces trames. Et puis, même pour les connaisseurs, il y a beaucoup de moments où vous allez demander ce que vous foutez là, hein, sérieusement. Moi, personnellement, il y a certains moments où je me suis dit, la trame est convenue, quoi. C'est bon, on sait comment ça va se passer. Et puis, ben, le mélange des genres, là, il y a eu un moment où j'ai complètement eu l'impression de regarder Dragon Ball contre Broly. Hein. Alors, pour les connaisseurs, oui, ce film était bien, hein, c'est plutôt du Akira Toriyama, mais Ouais. non, là, la Toei nous avait habitués à des Ouais. trames scénaristiques un peu plus adaptées entre guillemets aux occidentaux. On va reprendre par exemple Final Fantasy ou Last Battleship ou des choses comme ça Ouais, où Space Battleship, ouais. quelque chose nous faisait poser question parce que on se disait ah oui, pourquoi pas, etc. Là, on se retrouve totalement perdu dans un univers que si vous connaissez pas, ben vous n'avez rien à faire ici. Hein. Bah, c'est vrai que tu t'énonces un petit peu la rupture de ton, je vais dire. C'est-à-dire qu'on a un truc qui est. On a une espèce d'atmosphère qui est quand même assez grave, apocalyptique, on est près de la fin du monde. Puis tout d'un coup, t'as des espèces de guignols, boss robots et des pin-ups qui viennent faire l'abruti face à une armée de monstres. Il y a de très beau design, hein. Faut avouer qu'il y a des monstres qui sont vraiment très beaux, qui rappellent Solid Goldorak. Ça, c'est à l'œil, on voit que. Ce sont les mêmes designers de l'époque. C'est vrai que ça fait un peu bizarre, des fois il y a des ruptures de ton, il y a des baisses de régime, c'est un peu fourre-tout, ouais. Je vais pas me répéter, mais moi je le recommande pas, quoi. Bah moi je vais te rejoindre là-dessus. Je le recommande pas aux néophytes. Je peux le recommander aux passionnés parce que vous allez, ah, je vais pas dire passer un bon moment, mais vous allez changer d'air un petit peu quelques temps. Moi personnellement, je l'ai apprécié, mais je suis parti pris de ce genre de choses, Ouais, donc t'es pas objectif, je quoi. suis pas objectif. Ouais. N'écoutez pas mon avis et dites pas, je vais pas vous dire, allez-y les yeux fermés, c'est bon, vous pouvez y aller. Si C'est le vous êtes né, fanboy. et même si vous êtes fanboy, je vous dis, à un Ouais. moment vous allez vous faire des palm face, hein. Vous allez dire, mais quoi? Ouais, bah je conclurai sur la même manière que toi. Le fanboy appréciera. Alors, l'ultra fanboy. Hein. L'ultra fanboy. L'ultra otaku, alors on va dire ça. On va dire comme ça? Allez. L'ultra otaku? Moi, l'otaku que je suis, Ouais. donnerait par exemple une note à ce film de 2 sur 5. Ouais, encore avec difficulté, quoi. 1,5, je veux dire, mais vraiment pour être gentil, quoi. Moi, je pense qu'on va conclure là-dessus. Hein. D'habitude, je suis du genre à dire, faites-vous votre propre idée, allez le voir. Mais là, franchement, si vous êtes néophyte, non, vous allez perdre déjà 12 euros et vous allez perdre votre temps. C'est vrai Voilà. que ça vaut pas le coup, faut aller voir d'autres films. Il y a Star Wars qui sort bientôt, donc Voilà, il y a d'autres films ouais. à voir en particulier. Allez voir la Justice League, allez voir peut-être Thor Le Ragnarok, Brio, Thor Ragnarok, vous avez passé un bon moment. quelques autres films un peu plus Ouais. indépendants. Allez voir Ouais. Coco, mais non, Passez Mazinger votre chemin. De toute façon, je pense qu'il restera qu'une semaine à la vie. Voilà, et n'y allez que, bah déjà que si vous trouvez un cinéma qui le passe, parce que nous on a un peu galéré, et n'y allez vraiment que si vous êtes fan de Mazinger et Mazinger Ouais, Z. alors N'y allez pas si vous êtes fan de Goldorak, vous allez être déçu. là. Ouais, c'est sûr. Mais pour en revenir à la distribution, là on va parler uniquement de la distribution, plus du film. Mais je trouve que c'est quand même assez pauvre comme distribution parce que pour promouvoir, je veux dire, justement la culture manga, ça n'a pas tellement évolué, je trouve, en France. Parce que bon, en leur temps, bon, Albator a pas mal distribué parce que Albator avait une énorme renommée en France. Akira, c'était quand même un petit peu plus discret, et Ghost in the Shell aussi, hein, je me souviens en leur temps. Bah moi je suis assez content qu'il soit pas distribué partout parce que si vous allez voir ce film pour vous faire une référence sur les mangas, mais vous allez détester les mangas. Je vais vous dire, il y a d'excellents mangas, que ce soit en série ou en manga film ou même en live, il y a des trucs mieux que ça. Que ce soit pas distribué partout, d'accord, parce que là ça va ruiner la réputation des mangas. Ouais, peut-être de ce point de vue-là, je suis d'accord avec toi. Mais d'un autre point de vue, la culture manga en France, elle est quand même assez limitée, hein. On a toujours le support papier. Il y a aussi je crois qu'il y a pas mal plus de DTV qui sortent en France maintenant, hein. Et puis au cinéma, c'est surtout les Miyazaki qui triomphent pas mal. Voilà, si vous voulez faire un... Ouais, c'est vrai que c'est là, si vous voulez connaître un peu plus l'univers manga, l'univers des Japonais, entre guillemets, dans leur façon de voir la vie, dans leur façon de voir la culture et dans la façon de voir leur rapport avec entre l'humanité et ce qui nous fait perdre notre humanité, allez plus voir des Miyazaki. Et en plus, au niveau graphique, les Miyazaki sont somptueux. Si vous voulez refaire l'intégrale de Goldorak, bon, ça certes un petit peu me vieillit, mais ce sont d'excellents souvenirs de jeunesse. Moi personnellement, je m'en lasse pas, je le regarde une fois par an, et j'ai toujours autant de plaisir à revoir ces épisodes, même si